aucune moto ne serait assez haut, car c'est le vent de mon corps, toutes nos pensées comme l'éclair qui foudra de clairière. Aucune montagne ne saurait assez haut, car c'est le vent qui m'envoie. Pensez comme l'éclair qui foudra de clair en clair. Your spirit calling, and I on my way to you. I fly as I